dans Parole d'experts, Mounir Benchana, directeur de région chez Harmonie Mutuelle, nous parle d'épargne salariale et retraite. Attirer et fidéliser les talents est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Et c'est plus facile avec une vraie politique de partage de la valeur associée à des plans d'épargne. C'est très intéressant fiscalement pour les salariés et les entreprises. Chez Harmonie Mutuelle, nous accompagnons les entreprises de toute taille avec des dispositifs sur mesure, ultra performants et très simples à mettre en place. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Emmanuel Kant, le géant moderne de la philosophie, c'est notre série cette semaine pour le 300e anniversaire de Kant. Aujourd'hui, Kant dans la querelle allemande, dite querelle du panthéisme. Ils se sont étripés, ils se sont déchaînés, et pour cause, ce qui était au centre de cette querelle de philosophes dans l'Allemagne de la fin du XVIIIe siècle, ce n'était rien moins que la figure de Spinoza, mort depuis plus d'un siècle, mais véritable mouton noir dans l'Europe des Lumières. Car Spinoza, c'était celui qui avait assimilé tout à fait Dieu à la nature, au grand tout, faisant perdre à la majesté divine toute transcendance véritable par rapport à cette nature. Le panthéisme de Spinoza était à l'évidence un athéisme au regard des pensées traditionnelles de Dieu. Voilà ce que la plupart des philosophes du XVIIIe siècle évitaient. Ils faisaient confiance à la raison, certes, mais cette raison en marche, en général, ils ne considéraient pas qu'elle finissait par nier Dieu. Or voilà qu'une figure majeure de la pensée allemande, Lessing, avoue en 1785 à un autre philosophe allemand, Jacobi, qu'il était bel et bien spinoziste, c'est-à-dire panthéiste. Tollé général dans les Lumières allemandes, certains se sont mis en tête de sauver la raison des Lumières de ce risque embrassé par le vieux Lessing. D'autres, comme Jacobi lui-même, ont admis que la raison des Lumières conduisait à pareille extrémité spinoziste et ont affirmé que seul un saut dans la foi pouvait l'éviter. Dans cette querelle, Kant s'est longuement tu, puis il a fini par intervenir. Nous verrons comment. Il vaut la peine, en vérité, de décrypter l'ensemble de son comportement. Et pour cela, j'ai fait appel à deux philosophes qui, je crois, sont capables de nous raconter cette querelle comme un roman, car elle a quelque chose d'un roman de chevalier philosophe. Bonjour Dominique Bourrel. Bonjour. Vous êtes philosophe et historien, spécialiste notamment de Moses Mendelssohn, que je n'ai pas encore nommé, et qui a été un protagoniste majeur dans cette querelle dite du panthéisme ou du spinozisme en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre important, Moses Mendelssohn, La naissance du judaïsme moderne, chez Gallimard en 2004. Et bonjour Luc Ferry. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez fait beaucoup d'autres choses dans votre vie. Vous avez été notamment ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Mais ici, aujourd'hui, c'est le philosophe spécialiste de philosophie allemande et notamment de Kant que nous avons invité et que nous allons entendre. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. France Culture, Avec Philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors, reprenons au début de cette querelle, querelle de philosophes. Nous sommes fin septembre 1785, Jacobi révèle sa rencontre avec Lessing, juste avant la mort de Lessing, Lessing qui lui aurait fait des confidences philosophiques inattendues. Posons bien le décor. Qui est Lessing? Qui est Jacobi? Dominique Bourrel. Alors Lessing, c'est un homme de théâtre, c'est un prosateur, c'est pas tout à fait un philosophe, mais un excellent journaliste et surtout quelqu'un qui a développé une pensée sur l'esthétique, un des premiers. Il est né en 1729 comme Moses Mendelssohn et il meurt en 81, l'année de la critique de la raison pure. Et il est surtout connu comme l'auteur de Nathan le Sage, qui est une pièce qu'on joue encore aujourd'hui, de 1779, où on a vu comme protagoniste principal justement Moïse Mendelssohn, et c'est l'homme qui a sorti Mendelssohn du ghetto. Donc ce Mendelssohn-là, c'est le grand-père du musicien, pour pas se perdre, et c'est lui qui a sorti ce Mendelssohn du ghetto, c'est-à-dire qu'il a fait écrire de la philosophie à partir des années 50. Et bien évidemment, ces deux philosophes, ils avaient aussi un intérêt commun qui était Spinoza. Et Spinoza, c'est une bombe à fragmentation, il faut le dire tout de suite. Non, c'est quelque chose... Moi, j'ai dit mouton noir. Voilà. Non, c'est une bombe à fragmentation, voilà. Parce qu'il y a non seulement l'éthique... Encore aujourd'hui, il se publie tous les mois, presque, en plusieurs langues, des livres sur l'éthique. Donc, il y a quand même un moment où on devrait avoir compris. C'est l'homme qui a interprété aussi l'Ancien Testament. Enfin, il ne faut pas dire Ancien Testament, mais les textes de la Torah. Parce qu'il était hébraïque. La Bible hébraïque, parce qu'il était juif. Et il a été mis aussi au banc de sa synagogue. Donc, si vous voulez, Spinoza a une aura et positive et négative. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça a fait énormément de bruit, au moins jusqu'à Hegel et même probablement un peu plus loin. Alors, qui est Jacobi? Luc Ferry, vous l'avez traduit d'ailleurs, Jacobi, je crois. Oui, alors, c'est l'inventeur du mot nihilisme. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. On croit que c'est Nietzsche qui invente le terme. Pas du tout, c'est Jacobi. Et Jacobi va développer une idée qui est assez fascinante. Moi, j'aime beaucoup son livre qui s'appelle le David Hume, le livre sur Hume qui est, à mon avis, le meilleur. Et Jacobi va développer l'idée que toute philosophie rationaliste doit être spinoziste, que c'est le plus grand rationaliste. Il n'y en a pas d'autre, et que la raison est incapable de saisir la réalité sensible. C'est ça sa grande thèse, que la raison est nihiliste, nihiliste au sens où elle n'attrape pas le vrai réel. Et donc il va être le premier grand penseur romantique, le romantisme allemand. Et ce qui est intéressant dans cette querelle, c'est que, au fond, Spinoza va inspirer les philosophies du bonheur jusqu'à aujourd'hui. Vous avez encore, comme le disait Dominique, des livres qui paraissent pratiquement chaque mois sur la philosophie du bonheur de Spinoza. Et j'aimerais d'ailleurs un jour expliquer pourquoi. C'est très intéressant parce que la négation du libre arbitre permet de nier les passions tristes. Voilà, parce que toutes les passions tristes sont liées à l'idée que ça pourrait être autrement. Et puis, évidemment, Jacobi, c'est vraiment, on peut dire, le premier grand philosophe romantique avant Hölderlin et Novalis. Et puis, Kant va intervenir dans cette affaire, et Kant va avoir évidemment lui aussi une postérité, non seulement l'école de Marbourg avec Cassirer, avec Hermann Cohen qui est un type génial, mais aussi en grande partie l'école de Francfort, mais bien sûr la déconstruction de la métaphysique va inspirer la phénoménologie de Husserl et Heidegger, et puis son rationalisme critique qui n'est pas celui de Spinoza, puisque justement il passe par la déconstruction de la métaphysique, ça va inspirer l'épistémologie de Popper ou l'éthique de la discussion de Habermas. Non, mais toute cette semaine, ne vous inquiétez pas. Toute la philosophie contemporaine. Parlons de Kant et de tout ce qu'il a insufflé en philosophie. Là, nous sommes sur cette querelle. Donc, vous m'avez présenté Lessing, vous m'avez présenté Jacobi. Eh bien, Jacobi raconte à Mendelssohn ce que Lessing lui a dit un jour quand ils se sont rendus visite. Voici les mots de Lessing. Dans la bouche de Jacobi, d'ailleurs, le dialogue lui-même, vous allez le voir, nous l'avons restitué par une lecture dans notre équipe d'Avec Philosophie à deux voix. Dans une lettre à Élise Rémarus, j'ai attribué à feu Lessing certaines opinions à propos desquelles vous souhaiteriez avoir des précisions. Il me semble dès lors préférable de m'adresser directement à vous avec ce que je suis à même de vous en faire connaître. J'avais toujours révéré ce grand homme, Lessing, mais le désir de mieux le connaître ne s'était manifesté en moi de manière plus vive qu'à la suite de ses polémiques théologiques. Mon voyage eut lieu et le 5 juillet, dans l'après-midi, je tenais pour la première fois Lessing dans mes bras. Le lendemain matin, Lessing vint dans ma chambre alors que je n'avais pas encore achevé quelques lettres. Il me demanda si je n'avais rien d'autre qu'il pût lire. « Si, lui dis-je, il y a encore là un poème. Vous avez si souvent choqué que vous pouvez bien l'être une fois à votre tour. » Je n'ai pas été choqué. Tout cela est mien depuis longtemps. Je n'avais jamais lu ce poème, mais je le trouve bien. Le point de vue qui est à l'origine du poème, voilà mon propre point de vue. Car les concepts orthodoxes de la divinité ne sont plus, pour moi. Je ne puis les souffrir. Enkaipan, je ne sais rien d'autre. C'est à cela que tend le poème, et je dois l'avouer, il me plaît beaucoup. Alors, vous seriez assez d'accord avec Spinoza? Si je dois me nommer d'après quelqu'un, je ne vois personne d'autre. Spinoza me plaît assez, mais c'est cependant un bien mauvais salut que nous trouvons en son nom. Oui, si vous voulez. Et pourtant, Connaissez-vous quelque chose de mieux ? Le matin suivant, dès que nous fûmes seuls, Lessing commença. Je suis venu parler avec vous de mon Nkaipan. Hier, vous avez été effrayé. À vrai dire, j'étais loin de m'attendre à trouver en vous un spinoziste ou un panthéiste. J'étais venu en grande partie dans l'intention de recevoir de vous une aide contre Spinoza. Alors n'attendez aucun secours. Devenez plutôt entièrement son ami. Il n'y a pas d'autre philosophie que la philosophie de Spinoza. Intéressante révélation, Lessing est donc spinoziste, et Jacobi raconte tout cela à Moses Mendelssohn, tout en ajoutant qu'il a opposé au spinozisme de Lessing lui-même une alternative philosophique. Je vous propose tout de suite d'écouter la suite de ce dialogue. Je vois que nous ne nous diviserons pas sur notre credo. En aucun cas. Mais mon credo n'est pas dans Spinoza. Je crois en une cause intelligente et personnelle du monde. D'autant mieux. Alors je vais entendre quelque chose de tout à fait nouveau. Ne vous en réjouissez pas trop. Je me tire d'affaire par un saut périlleux et vous n'avez pas pour habitude de trouver un plaisir particulier à avoir la tête en bas. Ne dites pas cela. Il suffit que je n'ai pas à l'imiter. Quelle sorte de représentation vous permet donc de supposer votre divinité personnelle et extramondaine ? Je suis la lumière dont Spinoza dit qu'elle éclaire elle-même et les ténèbres. J'aime Spinoza parce que, plus qu'aucun autre philosophe, il m'a parfaitement convaincu que certaines choses ne se laissent pas expliquer. Devant elles, il ne faut pas pour autant fermer les yeux, mais les prendre comme on les trouve. Or, je n'ai aucun concept qui ne soit plus ancré au fond de moi que celui des causes finales, donc l'idée que ce monde correspond à une intention de quelqu'un. Celui qui ne veut pas expliquer l'inconcevable, mais seulement savoir les limites où il commence et seulement reconnaître qu'il existe, je crois qu'il a fait en lui la place la plus grande pour une vérité authentiquement humaine. Jacobi raconte donc tout cela, cet échange avec Lessing à Moses Mendelssohn. Je précise que nous avons pris comme base de documents tout ce qu'a rassemblé Pierre-Henri Tavoyot dans Le Crépuscule des Lumières, les documents de la querelle du panthéisme, paru aux éditions du Cerf en 1995, lui-même faisant référence à d'autres traductions. Alors, Dominique Bourrel, Jacobi dit en gros à Lessing, d'accord, le rationalisme mène au spinozisme, c'est-à-dire met fin à l'idée d'un Dieu transcendant, Dieu c'est la nature, et personnellement, dit Jacobi, c'est insupportable et je me sauve de ce risque en faisant un saut périlleux. J'utilise ma foi, à un moment donné, je dis stop à la raison. Pourriez-vous commenter ce geste ? Oui, bien sûr, parce que c'était un comble de dire ça devant un juif orthodoxe. Il y a au moins trois problèmes dans le texte que vous avez lu. D'abord, un problème d'ego, bien évidemment. C'est-à-dire, je connaissais tellement bien Lessing, comment on a pu me cacher quelque chose comme ça ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Nkaipan, là, alors, il y a des librairies entières aussi là-dessus. Savoir vraiment si c'est de la philosophie romantique ou quelque chose comme ça, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Tout est un, ça veut dire Nkaipan. Absolument, oui, tout à fait. Et alors, si vous voulez, Mendelssohn, du coup, va être obligé de se montrer plus un homme de l'Aufklärung qui ne sont pas les Lumières françaises. Il ne faut jamais oublier ça. Mendelssohn va être obligé de se mettre plus dans un côté rationaliste, entre guillemets, qu'il ne l'est. Oui. Et c'est pour ça, ça explique le problème de Kant. Parce que Jacobi, pareil, va faire la même mise en scène de l'autre côté, en disant, mais moi, je ne suis pas complètement comme ça, bien que quand même, je suis l'homme de la foi, etc. Et alors, du coup, j'allais dire, Kant a senti le coup, et c'est la raison pour laquelle il a louvoyé, et donc après il a quand même pris, à mon sens, le parti de Mendelssohn. Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, etc. D'abord, je voudrais comprendre exactement ce que fait Jacobi. Est-ce qu'on peut dire, Luc Ferry, que Jacobi fait divorcer la raison et la foi à un moment donné ? Il faut sortir du rationalisme strict pour entrer avec un saut dans la foi. C'est une limite pour les lumières rationnelles, en tout cas. Ah, en même temps, Kant te dira, j'ai dû abandonner le savoir pour faire place à la croyance. Attendez, donc ils quand sont pas si loin. Mais c'est pas les mêmes raisons. Mais ce qui est amusant dans le texte que vous venez d'entendre, c'est qu'en fait, ils sont totalement d'accord et totalement en désaccord. Mm-hmm. Jacobi est totalement d'accord avec Lessing et Mendelssohn, c'est avec l'idée que Spinoza, au fond, c'est la seule philosophie rationaliste, qu'il n'y en a pas d'autre, que tout rationalisme est spinoziste et que ça conduit au nihilisme, c'est-à-dire l'incapacité de saisir la réalité sensible. Donc ils sont d'accord là-dessus et en même temps, évidemment, Jacobi va défendre, Lévinas dira la même chose, il va défendre contre les spinozistes l'idée du Dieu transcendant, mais aussi l'idée de liberté, mm-hmm. et l'idée de l'intuition, l'idée de la foi, c'est-à-dire l'idée que c'est pas par la raison qu'on atteint le vrai réel, qu'il s'agisse de Dieu ou qu'il s'agisse de la réalité sensible, mais c'est par la foi et par l'intuition. Et donc c'est là qu'il met un jalon sur la pensée romantique qui est à l'époque encore une nucléaire, enfin elle est naissante. Et donc c'est ça qui est très intéressant. D'accord pour dire tout rationalisme est finalement spinoziste, c'est le plus rationaliste de tous les penseurs, il n'y a pas mieux, mais le rationalisme est un nihilisme. Et c'est donc, ça qu'il veut dire. Autre chose voilà. que certains voilà. qualifieront de Schwärmerei, c'est comme ça qu'on dit, oui, Dominique oui, Bois, voilà. c'est-à-dire il faut la chaleur ça, c'est de la foi. Mendelssohn oui. va justement le pousser de ce côté-là, en disant vous êtes un fanatique, oui. vous êtes un ami de la Fater, vous êtes un ami de Hamann, etc. Voilà. C'est assez amusant cette histoire-là, parce que chacun se pousse ou est poussé dans des endroits où en réalité ils ne sont pas. Mais est-ce que c'est parce que Mendelssohn, lui, il a très envie aussi qu'on affirme la foi, bien mais sûr. Pas par un saut. Absolument. Il aimerait recréer, parce qu'il pense que ça ouais. existe, le pont entre raison et foi que précisément l'aveu de Lessing avait brisé. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très important chez Mendelssohn, c'est que Spinoza est pour lui capital. Il l'a accompagné toute sa vie, parce que Spinoza c'est enfin un philosophe qui ne soit pas un chrétien. Et quand il commence en 1755 dans ses dialogues philosophiques, il met en parallèle Spinoza et Leibniz en disant, vous voyez bien, c'est un peu pareil. Alors lui dit non, c'est un peu charrié dans le détail, etc. Mais il dit, c'est pas mon ordo et de connexion idearum, l'ordre et la connexion des idées est le même que lors de la collection des choses, en disant ça c'est l'harmonie préétablie. Alors il dit non, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça veut dire qu'on peut être un grand philosophe sans être un philosophe chrétien. Et ça, c'était très important pour Mendelssohn. Et le problème, c'est que Mendelssohn va au fond dire, mais non, Spinoza n'est pas ce que vous croyez, lui-même permet de faire un pont entre la raison et la foi, ce qui est quand même très forcé. Est-ce que le pauvre Kant, qui aime beaucoup Mendelssohn, trouvera quand même un peu fort de café? Je vous propose qu'on écoute le texte de Mendelssohn, la manière dont il présente le spinozisme, enfin, pas si grave, en réalité, ne vous inquiétez pas, on peut faire une réconciliation entre ce rationalisme-là et la foi, ce qui est douteux pour beaucoup de ses contemporains. En effet, Moses Mendelssohn a écrit des heures matinales ou leçons sur l'existence de Dieu pour intervenir dans cette querelle et pour répondre à Jacobi. On écoute. C'est seulement dans la somme conceptuelle, dans la totalité des êtres pensants que, selon Spinoza, se trouve l'univers dans sa précision la plus complète. Mais cette totalité, ce concentré, ce multiple en un, cette somme conceptuelle présuppose un sujet pesant qui embrasse, rassemble et réunit dans sa représentation. À défaut d'un tel sujet unificateur, les parties restent isolées, sans aucun lien entre elles, demeurant à l'état de multiplicité. De sorte que l'idée de Spinoza nous conduit de l'univers infini à l'existence nécessaire d'un être fini et individuel sur le plan de la force. D'un être dont la pensée peut englober toute la diversité du monde corporel et spirituel de la manière la plus absolument exacte qui soit et la réunir dans un système. D'un être dans lequel l'infini extensif ne peut subsister. Ainsi, notre différend avec cette philosophie devrait être en grande partie réglé. Ainsi ferons-nous notre ami de ce chercheur sincère de la vérité. Vous voyez donc que Lessing a pensé un panthéisme tout aussi amélioré que celui que j'ai présenté. Et qu'il était même en voie de concilier les concepts panthéistes avec la religion positive. Alors voilà notre Moses Mendelssohn qui a tellement envie de réconcilier Raison et foi, qu'il dit que le spinozisme mène nécessairement à l'idée d'un dieu transcendant, alors que c'est exactement ce que Spinoza ne dit pas. Qu'est-ce qui lui prend, vous qui êtes un spécialiste de Mendelssohn, Dominique Bourrel, à reconstruire le spinozisme pour qu'il ne soit pas trop gênant pour la foi? Parce que justement, d'abord, il a vu le danger. Donc il s'est dit, si on les laisse parler de Spinoza, comme ça, on ne va pas pouvoir continuer de travailler avec eux. Deuxièmement, il a dit, faites attention, toute raison peut être aussi une raison éclairée, et même la raison de Spinoza. Et pour lui, j'ai l'impression qu'il a forgé ce concept de spinozisme éclairé, c'est-à-dire spinozisme, il a un petit nom comme ça, en disant, c'est pas tout à fait Spinoza, mais c'est le Spinoza dont on a besoin. Alors il le dit bien dans ses heures matinales que vous avez citées, c'est des leçons sur l'existence de Dieu, mais il y a trois chapitres uniquement sur Spinoza. Et tout le débat, il est de savoir, mais là c'est un débat de philologue, vous comprenez, parce qu'on peut dire, est-ce que Spinoza a vraiment pensé ça? Oui, mais ça, vraiment personne peut dire que Spinoza a montré. Alors il dit à chaque fois que Spinoza a raison en partie, mais pas partout. Donc... C'est quand même un peu troublant que dans la querelle, l'exactitude, l'honnêteté restituée à un philosophe dans ce qu'il dit. Spinoza n'a jamais, de manière nécessaire, démontré l'existence d'un dieu transcendant. Il a même fait tout le contraire. Il a fait tout le contraire. Alors, qu'est-ce qui lui prend, d'après vous, Luc Ferry, à Mendelssohn? À l'époque, on risque sa vie. Je veux dire, il faut quand même être clair. À l'époque, l'accusation d'athéisme est une accusation qui peut vous envoyer en tôle. On ne plaisante pas. D'ailleurs, ça arrivera à Fichte juste après. Et donc, Mendelssohn fait aussi attention. Il est comme beaucoup de penseurs juifs, il a une pensée à l'extérieur, une pensée à l'intérieur. Depuis les conversos, on sait qu'il y a cette dualité qui va caractériser la pensée des philosophes juifs. On ne parle pas de la même manière à l'intérieur, chez soi, en famille et à l'extérieur. Mais évidemment que Mendelssohn est un homme suffisamment intelligent et c'est un très grand penseur pour savoir que ce qu'il dit est faux, tout simplement faux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il évoque la notion de religion positive. À l'époque, il y a tout un débat, notamment chez Jacobi, sur la différence entre le droit naturel et le droit positif, et c'est la même chose pour la religion. Il y a la religion naturelle, qui est celle de la raison, et qui conduit au panthéisme selon les rationalistes, selon Spinoza, et puis il y a la religion positive, c'est-à-dire celle de la philosophie populaire et celle de la conscience populaire, c'est ça qui est visé, qui pense qu'il y a un dieu transcendant et que l'homme est libre, au sens du libre arbitre. Donc la version, disons, non positive, c'est plutôt le déisme classique chez les Lumières, c'est-à-dire on pense qu'il y a un principe premier transcendant, c'est aussi dans la tradition chrétienne, Dieu est complètement transcendant, mais chez les Juifs aussi, dans la tradition juive, Dieu est complètement transcendant. C'est aussi les vraies religions, si je puis dire. C'est les religions non reconstruites par la raison, comme le fait Spinoza, qui va faire en effet de Dieu Deus sive natura, comme vous le disiez tout à l'heure, Dieu ou la nature, un panthéisme. Mais là, quand il parle de la religion positive, il ne faut pas oublier que derrière le Spinoza Streit, comme on l'appelle en allemand, c'est la querelle du spinozisme. Ouais. Spinoza est le cœur du cœur de cette querelle. Il y a la philosophie populaire derrière, ce qu'on appelle la philosophie populaire. Ouais. C'est-à-dire cette idée que l'Aufklärung, elle doit quand même, les Lumières allemandes, on doit quand même se réconcilier avec ce que Hegel appellera la conscience naïve. Et très peu de temps après, Hegel écrira un petit texte absolument génial sur la positivité de la religion chrétienne, justement pour essayer de distinguer entre ce que peut être une religion rationalisée, si je puis dire, une religion naturelle, comme le droit naturel est un droit rationnel, et puis la religion positive qui est simplement celle du peuple. Philosophie populaire, elle est derrière. Alors ça fait rire aujourd'hui parce que c'est tellement technique en vérité. Quand on lit aussi bien Jacobi, Mendelssohn, Lessing ou Kant, philosophie populaire, c'est vite dit. Il me semble qu'on peut quand même raconter tout cela parce que les enjeux sont importants. Ils sont de savoir si la raison va écrabouiller l'idée de Dieu, va la nier, éventuellement la dissoudre dans la nature, ce qui est quand même un peu la vérité de Spinoza, ou bien si la rationalité ne pose aucun problème et qu'elle va tout naturellement, avec un pont magnifique, rencontrer la foi dans un Dieu transcendant. C'est toute la différence entre les Lumières françaises et les Lumières allemandes. Pourquoi ? Parce que les Lumières françaises, justement, celles de Sans Souci, de Berlin, autour de Frédéric II, c'est-à-dire de la bande des quatre, quoi. Ouais. Voltaire, Diderot, Montesquieu et Rousseau, sans parler de la maîtrise et de ce matérialisme plus ou moins vulgaire qui va en sortir. Et puis, de l'autre côté, ces gens qui sont tous des fils de pasteurs, qui savent tous très bien l'hébreu, qui ont tous travaillé sur ces textes-là et qui, forcément, vont essayer toute leur vie, d'ailleurs, de revenir, comme Leibniz, de l'accord entre la raison et la grâce. Mm-hmm. Regardez un cas de Spinoza formidable. Alors, Mendelssohn cite Spinoza. Oui. L'être nécessaire se pense lui-même comme un être purement et simplement nécessaire. Jusque-là, tout va bien. Il pense tous les êtres contingents comme réductibles à des séries infinies, etc., etc. Mendelssohn commence. Jusque-là, nous pouvons cheminer de conserve avec le disciple de Spinoza. Mais c'est là que nous nous séparons. Nous affirmons que les choses contingentes de cette série existent réellement en dehors de Dieu. Donc, vous voyez, on a à chaque fois... Donc là, il est honnête. Il commence Spinoza et hop, il le fait. C'est ce qu'il fait avec toute la philosophie allemande. C'est pour ça que c'est si facile. Alors, c'est tout à fait juste, évidemment, ce que dit Dominique. Mais il y a quelque chose de plus, c'est qu'à l'époque, il y a quand même une querelle absolument majeure entre le rationalisme dogmatique de Spinoza et le rationalisme critique. Le rationalisme critique, donc celui de Kant, va faire la critique, la déconstruction du Dieu de Spinoza, de l'argument ontologique qui soutient les preuves de l'existence de Dieu. Et la grande thèse qui va être celle de Kant, et là il est en phase avec le vrai christianisme, si je puis dire, avec le vrai judaïsme, c'est l'idée que les preuves de l'existence de Dieu sont anti-religieuses. C'est surtout qu'elles sont une aberration de la raison. Elles sont délirantes. Mais en plus, si on arrivait à prouver Dieu, ça n'irait la foi. Oui, en plus. Mais c'est évidemment. Pas son problème premier, reconnaissez-le. Ah si, c'est aussi, si, c'est déjà son problème. Et d'ailleurs, moi, c'est un débat que j'ai souvent avec ceux qui veulent aujourd'hui dire la science va prouver l'existence de Dieu, ce qui est complètement idiot, bon, et délirant. Mais déjà, Kant se dit, mais c'est pour ça qu'il dit, j'ai dû abandonner le savoir pour faire place à la croyance. Si on pouvait démontrer l'existence de Dieu, alors la religion disparaîtrait, parce que vous n'avez pas besoin de croire en quelque chose qui est démontré. J'ai pas besoin de croire que je suis avec vous aujourd'hui, c'est devant moi. Et donc, la foi suppose qu'on abandonne la raison à un certain... Et là, c'est le point où ils sont d'accord, Jacobi et lui, évidemment, contre les spinozistes. Et donc, et c'est là où Mendelssohn fait quand même une drôle de chose. Parce que lui, extérieur-intérieur, il suppose que Spinoza a démontré Dieu. Oui. Kant ne peut pas... Et que la raison démontre finalement Dieu et fait le jette un pont vers la foi. Oui. Et le pauvre Kant, il ne peut pas le suivre, là, puisqu'il vient de dire qu'on ne peut pas, par la raison, démontrer Dieu. Donc il est très embêté par la défense de la raison par Mendelssohn. Il n'est pas embêté, c'est simple. Kant est un homme extraordinairement honnête et dans ce débat, il ne veut pas flinguer Mendelssohn, c'est ça voilà, le problème qu'il a. Mais il veut être gentil avec lui, voilà, mais il est en désaccord total. Oui. Et encore une fois, le vrai débat, c'est entre rationalisme métaphysique dogmatique, donc qui prouve l'existence de Dieu par l'argument ontologique, qui sous-tend toute l'éthique de Spinoza, et puis de l'autre côté, l'idée que la métaphysique ne tient pas debout et qu'il faut abandonner le savoir pour faire place à la foi. France Culture avec philosophie, Géraldine Mulman. Alors, Alexis Filonenko, grand penseur, ça vous ferait plaisir. On l'adore. Grand commentateur de Kant. On ne pouvait pas faire une émission sans Filonenko, je suis tout à fait de votre avis. On l'adore. A fait un commentaire à la fois très sobre et très clair sur les raisons pour lesquelles Emmanuel Kant est embêté. Oui. Il ne peut pas intervenir. Et oui. Je vous propose donc d'écouter ce commentaire et après ce sont vos commentaires que j'écouterai avec gourmandise. En novembre 1785, dans une lettre à Schulz, Kant porta un jugement définitif sur les heures matinales de Mendelssohn. C'est, écrit-il, le chef-d'œuvre des illusions de la raison. Un tel état de choses contient les raisons du silence de Kant. En effet, si Kant prend parti, ce ne peut être que pour l'Aufklärung. Prendre parti pour l'Aufklärung, c'est prendre parti pour Mendelssohn. Mais après les heures matinales, Kant ne peut plus faire cause commune avec Mendelssohn. Une seule attitude est donc possible, le silence. Alors, on va essayer de déplier cette argumentation très concentrée d'Alexis Filonenko. D'un côté, il y a Jacobi qui dit que Dieu, c'est une affaire de foi. Avec la raison, on n'ira jamais vers là-bas. Laissons là, faisons un saut vers la foi. Pourquoi Kant n'aime pas cela ? Il me semble, parce que c'est parce que ça fait signe vers un dieu du sentir, du ressentir. Et Kant a écrit plus tard encore dans le conflit des facultés que vouloir sentir comme tel l'action immédiate de la divinité, je le cite, est une exigence contradictoire. Il n'aime pas plus d'ailleurs les aspects mystiques de la foi, c'est pas son truc. Il écrit dans La fin de toute chose en 1794 que la mystique est une conception qui n'est rien moins qu'une abolition de toute intelligence et même une cessation de toute pensée. Donc ce côté, le saut dans la foi, cette Schwärmerei, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire cette espèce de recherche d'une chaleur sensible pour toucher Dieu, c'est pas du tout son truc à Kant. C'est d'accord, c'est en plus du fanatisme pour lui, Schwärmerei. Ouais. On voit bien dans ces textes-là. Et justement, tout ce groupe-là, il y a un moment où on parle de la tête de Goethe, le corps de Spinoza et les pieds de Lafater. Hein, donc c'est exactement tout ce qu'il déteste, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, il est pas très content qu'on les poussé un peu en disant « Vous allez être obligé de trancher ». Il est obligé de trancher. Et Mendelssohn, il ne peut pas, parce que Mendelssohn est allé trop loin en supposant que la raison peut trouver Dieu, ce qui est exactement ce qu'il avait dit qu'on ne pouvait pas faire. Mendelssohn, c'est du passé. C'est formidable. Il est d'ailleurs plein d'éloges, hein, tout le temps. Il supplie Mendelssohn de regarder sa critique de la raison pure. Mendelssohn lui dit, je suis trop fatigué, c'est un truc d'un autre siècle, etc. Mais à la fin, il dit, c'est du passé, quoi. C'est-à-dire cette métaphysique dogmatique qu'il connaît, enfin, la lettre est assez connue. Et c'est vrai que Mendelssohn a vraiment supplié Kant, qui lui a écrit, intervenez en ma faveur dans cette querelle terrible. Ça, je ne suis pas sûr. Ça, je n'ai jamais vu ça. De Mendelssohn, non. Mais il y a peut-être les Berlinois. Parce que les Berlinois, ils sont du côté de Mendelssohn. La Berlinische Monatschrift, les gens qui font Was ist Aufklärung, et tout ça, ça, c'est des Mendelssohniens pur sucre. Et qui détestent Jacobi. Pour eux, c'est tout ce qu'ils détestent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Luc Ferry, de cette perplexité de Kant? Après, évidemment, on va voir comment il va intervenir au passage après la mort de Mendelssohn. C'est peut-être pas un hasard. Extrêmement profond. Kant est d'accord avec Jacobi sur un point, c'est qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Donc il va falloir faire un saut périlleux, mais il ne fait pas le même que celui de Jacobi. Jacobi est un romantique mystique, donc c'est par l'intuition et par la foi qu'on va aller vers Dieu, tandis que Kant va aller vers Dieu par la raison pratique. C'est ça la grande différence. Il y a trois rationalités chez Kant. Il y a la critique de la rationalité dogmatique et métaphysique de Spinoza, les grandes illusions de la métaphysique. Pas seulement Spinoza, de Descartes aussi, qui prouve Dieu. Spinoza, le sommet. Au moins, il est d'accord là-dessus. C'est que Spinoza, c'est mieux que Descartes et Leibniz. Il est d'accord avec Leibniz. Leibniz, au fond, avec Jacobi, qui montre que Leibniz, ça revient à Spinoza. Oui. Voilà. Et donc, pour Kant, dans le genre dogmatique. Prouver Dieu, c'est pas ça. Et d'ailleurs, Hegel dira la même chose. Dans le genre rationalisme dogmatique, le sommet, c'est Spinoza. Donc là, il est d'accord aussi avec Jacobi. Vous avez ensuite le rationalisme critique, c'est une philosophie à la fois de l'ontologie et de la science. Cassirer et Heidegger ont raison tous les deux là-dessus. Mais vous avez le rationalisme pratique, c'est-à-dire la raison morale, et c'est par la raison morale que Kant veut arriver à Dieu. Et ça fait une très grande opposition à Jacobi, c'est pas par le mysticisme. Alors, voilà, c'est ça c'est ça qui est génial chez Kant. Évidemment. Oui, parce que cette histoire de preuve de l'existence de Dieu, Mendelssohn a écrit un best-seller à l'époque qui était Le Phédon, qui est une réadaptation du Phédon de Platon. Et à la fin, on lui dit, mais c'est pas mal votre Phédon, mais les preuves de l'existence de Dieu, bon, on est d'accord. mais Mendelssohn, lui, moi, c'est pas mon truc. Qu'ai-je à faire avec le fils de Sophronisque? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ces types-là? Alors il le dit dans une ou deux lettres en hébreu, en disant, ça c'est la grande différence, ça c'est de la philosophie. Alors vous faites de la philo tant que vous voulez. Nous, on est du côté d'une religion avec des commandements, qui marche d'ailleurs aussi bien quand on est athée ou qu'on est croyant, et tout le reste c'est de la philo, Sophronisque, Socrate, etc. On voit bien cette espèce de mise à distance, comme ça, de la métaphysique classique du XVIIIe siècle, si vous voulez. Mais il s'en sort comme ça. À un moment, il a essayé de prouver Dieu par la raison. Voilà. À un moment, il a essayé. C'est ça que Kant ne lui pardonne pas. Oui, c'est-à-dire qu'il voulait pas que les préjugés anti-rationnels nettoient tout, si vous voulez. Donc il a dit, il vaut mieux en garder un peu. Voilà. Balaye toute la Aufklärung. Voilà, absolument. C'est ça. Parce qu'il dit, on va pas s'en tirer. Sinon, ça recommence avec Jacobi, Lafater, qui est un chiliaste, qui voulait le convertir, qui est une espèce de piétiste de Suisse complètement dingue, qui, vous savez, fait avec la physiognomie. Il interprète les gens en regardant. Alors forcément, pour Mendelssohn, c'est un peu déstabilisant, quoi. Donc quand il est un peu embêté, il va trouver une voie. Il va dire, si j'ai bien compris, mais on va écouter le texte, que Dieu n'est pas une stricte affaire de sensations intérieures, schwärmerei, comme Jacobi le dit, que Dieu n'est pas démontrable par une raison théorique, ça c'est pas possible, mais qu'il y a entre la raison et la foi une sorte de lien complexe, je compte sur vous Luc Ferry pour l'expliquer, qui fait que quand même la croyance en Dieu est une sorte de foi rationnelle. Troisième voie dégagée par Kant après la mort de Mendelssohn, qui est mort le 4 janvier 1786, et en octobre 1786, Emmanuel Kant écrit « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Voici un extrait évidemment traduit par Alexis Filonenko. Il existe un besoin de la raison, à titre de principe subjectif, lui permettant d'admettre et de supposer ce qu'elle ne doit point prétendre savoir en fonction de principes objectifs. Ici intervient donc le droit de la raison de s'orienter dans la pensée, ou en cet espace suprasensible incommensurable et plein de ténèbres pour nous, uniquement d'après son propre besoin. La raison a besoin d'admettre un souverain bien. Ce n'est donc point par quelque connaissance de la raison, mais par le besoin qu'elle ressent que Mendelssohn, sans le savoir consciemment, s'orientait dans la pensée spéculative. Mais ce moyen de se diriger n'est point un principe objectif de la raison, un principe fondamental pour des actes d'intellection. Ce n'est qu'un principe subjectif, c'est-à-dire une maxime pour le seul usage de la raison que ses limites lui permettent. Aucune dénomination ne lui est plus appropriée que celle de foi rationnelle. Ainsi, par exemple, il existe une ville, Rome, dans le monde, et celui qui n'y est jamais allé peut dire « je sais », et non pas seulement « je crois qu'il existe une Rome ». Au contraire, la pure croyance rationnelle ne peut jamais, par toutes les données de la raison et de l'expérience, être transformée en un savoir. C'est ainsi le besoin nécessaire de la raison de supposer tout simplement, et non de démontrer l'existence d'un être suprême. On pourrait appeler postulat de la raison cette croyance rationnelle. Donc, on ne peut pas dire « je sais que Dieu existe » comme « je sais que la ville Rome existe », mais on peut dire « je crois qu'il existe », ce qui est moins fort en termes de raison théorique, si on veut, mais ce qui n'est pas tout à fait irrationnel. Est-ce qu'on peut commencer l'entrée dans cette difficulté et de ce problème c'est, comme ça, Luc Ferry ? C'est pas du tout évident à comprendre. C'est-à-dire qu'il veut éviter le mysticisme irrationaliste de Jacobi, mais il veut pas tomber non plus dans l'épreuve de l'existence de Dieu. Et ce qu'il va défendre comme idée, c'est pas une synthèse centriste mollassonne, c'est quelque chose d'absolument génial que Habermas reprendra dans Connaissance et intérêt. C'est l'idée qu'il y a des intérêts de la raison. Et donc, avant même la critique de la raison pratique, donc 85, il y a dans la critique de la raison pure. Un petit chapitre qui, à mon avis, est le plus génial de la critique de la raison pure, c'est le chapitre sur les intérêts de la raison. L'idée est la suivante, c'est que, par exemple, dans le spinozisme, il y a un intérêt au bonheur. Si je démontre que le libre arbitre n'existe pas, si je suis totalement déterministe, alors toutes les passions tristes tombent parce qu'elles reposent sur l'idée de libre arbitre. Elles reposent, par exemple, l'indignation, la colère, l'espérance, ça repose sur l'idée que le monde pourrait être autrement. Si le monde ne peut pas être autrement, la sagesse consiste à l'accepter. Donc il y a un intérêt de la raison à démontrer le déterminisme et l'inexistence du libre arbitre, par exemple. De l'autre côté, il y a un intérêt de la raison pratique à démontrer l'inverse, à démontrer que l'être humain est libre, parce que s'il n'est pas libre de ses choix, il n'y a plus de morale. Mais vous, vous trouvez ça fort, les intérêts de la raison. D'autres c'est pourraient génial. Dire que c'est un peu faible. Ah non, c'est parce très que très la très raison génial. Intérêt, ben, ça ne nous prouve pas qu'elle ait raison dans non, ses intérêts. Non, mais non, c'est génial, parce que l'entendement n'a pas d'intérêt. La science est objective, comme dira Max Weber, elle est axiologiquement neutre, la science. Mais la raison n'est pas l'entendement. La raison métaphysique, elle se situe dans un domaine qui est celui que Popper appellera le domaine du non-falsifiable. Et à partir du moment où la métaphysique se meut, la raison, pas l'entendement, pas la science, se meut dans un domaine qui est celui du non-falsifiable, qui est celui dans lequel il n'y a pas d'expérimentation possible. Personne ne peut prouver que Dieu existe, mais personne ne peut prouver qu'il n'existe pas. Et donc, à partir de ce moment-là... J'ai intérêt à croire qu'il existe. Mais voilà. Ce qu'il nous dit. Et pourquoi, Luc Ferry ? Ah bah parce que là, ça nous sauve de la mort, par exemple. Et j'ai intérêt à croire que l'homme est libre, alors que je ne peux pas démontrer l'existence du libre-arbitre, parce que ça permet à la moralité d'exister. Si l'homme n'est pas libre, si l'être humain n'est pas libre, pour parler politiquement correct, alors le bien et le mal moral n'existent plus, comme chez Spinoza. Et donc, il y a des intérêts de la raison. Et là où Kant est génial, c'est qu'il dit, au fond, on n'est plus dans le monde objectif. Je ne peux pas prouver l'existence du libre arbitre. Je ne peux que le postuler. De même, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Mais j'ai un intérêt pratique à l'existence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il existe. Et là, c'est la foi qui prend la place. Mais ce n'est pas la foi d'Jacobi, ce n'est pas la foi irrationaliste. C'est la foi qui qualifie de rationnelle. Voilà, qui repose sur la raison pratique, parce qu'il y a un intérêt de la raison derrière. Mais ces intérêts de la raison, moi j'ai toujours ce débat, par exemple, avec mon ami André Comte-Sponville, qui est matérialiste. Lui, il a intérêt à démontrer que le libre arbitre n'existe pas, parce que ça permet d'accéder au bonheur. Mais il n'est pas moins rationaliste, pourtant. Sa raison fonctionne autrement. Sauf que ce n'est pas la même raison, c'est la raison dogmatique et la raison critique, c'est deux raisons opposées. Là, Popper, Kant, tout seul, Heidegger ont raison à mes yeux. C'est parce que le dogmatisme, si vous voulez, enfin, pour croire à l'argument ontologique, il faut quand même avoir un QI de Bulot. Il va apprécier votre copain Comte-Sponville. Non, il n'y croit plus du tout. Mais non, il n'y croit pas. Je ne voudrais pas être l'occasion de fâcherie. Je voulais juste ajouter une phrase. Non, on a le droit de rire aussi. Une phrase de Mendelssohn à propos de ce titre. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Et à ce moment-là, c'est aussi une question de prudence intellectuelle. Chaque fois que ma spéculation semble me mener trop loin des chemins battus du sens commun, je me calme et cherche une orientation. Je reviens au point où nous étions partis et je cherche à comparer mes deux guides, etc. Donc, Mendelssohn est quelqu'un qui est un pédagogue. C'est quelqu'un qui veut avancer pas par pas jusque-là, effectivement, où probablement quelqu'un comme Kant ira presque directement. Et on voit bien quand on compare... J'adore. Tous les spécialistes des auteurs essayent de sauver leur auteur jusqu'au bout. Mendelssohn, il n'a pas été brillantissime dans cette querelle, vous l'avez reconnu. Mais vous nous dites que dans d'autres... Il a été faucheton, c'est pas pareil. Aussi intelligent que Alors, Kant. Attendez, là, j'ai une page de Kant. J'adore. Monsieur Friedlander, c'est Kant qui parle. Oui. C'est pour sa Jérusalem. Vous dira combien, en lisant votre Jérusalem, un livre de 1783 de Mendelssohn, j'en ai admiré la pénétration, la subtilité et l'intelligence. Je considère ce livre comme la proclamation d'une grande réforme, certes lente, dans son instauration et son progrès, qui ne concernera pas seulement votre nation, mais d'autres aussi. Vous avez su concilier votre religion avec une liberté de conscience telle qu'on ne l'aurait jamais cru possible de sa part et dont nul autre ne peut se vanter. Vous avez en même temps exposé la nécessité d'une liberté de conscience illimitée à l'égard de toute religion, d'une manière si approfondie et si claire que de notre côté aussi, l'Église devra enfin se demander comment purifier sa religion de tout ce qui peut opprimer la conscience, etc. Et ils s'adoraient, ils se respectaient, ils se vénéraient. Kant et Mendelssohn, Dominique Bourrel, c'est une évidence. Et vous l'avez fort bien montré, et pas seulement ici dans ce studio. Simplement, on pourrait même, je dirais, formuler une hypothèse. Si Mendelssohn n'était pas mort, là, en janvier 1786, s'il avait lu la manière dont Kant, lui, est intervenu dans cette querelle, en donnant des arguments différents des siens, probablement Mendelssohn aurait-il dit que Kant avait raison. Mendelssohn, ouais. qu'on a ça chez Kant. Il y a donc, des érudits, j'entends, qui disent, mais c'est la dernière influence. Peut-être même que Mendelssohn aurait dit, j'ai mal argumenté. Oui. Kant argumente mieux que moi et je le rejoins. Ça, c'est genre, l'honnêteté intellectuelle aurait pu donner cela, n'est-ce pas? Mais il y en a une preuve, si je puis dire, c'est l'école de Marbourg. Oui, absolument. Parce que l'école de Marbourg, que soit Nathor, surtout Hermann Cohen et Cassirer, qui sont juifs jusqu'au bout des ongles, c'est vraiment le judaïsme. Oui. Mais ils considèrent qu'au fond, Kant, c'est la philosophie du judaïsme. Absolument. Donc Mendelssohn aurait très bien pu, comme Cassirer ou comme Cohen, rejoindre Kant sur cette idée que ça n'est ni par la raison dogmatique ni par le mysticisme qu'on peut arriver à Dieu, mais par la raison pratique. Ça, je pense que Cassirer et Cohen seraient d'accord là-dessus. Est-ce qu'on peut, on a encore un moment, et je voudrais profiter de votre présence, Luc Ferry, parce que vous pensez que les postulats de la raison pratique, et cette histoire d'intérêt de la raison est géniale. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un point faible. Donc, je vais vous poser plein de questions pour que vous retourniez mon point de vue. On est d'accord que l'impératif moral catégorique, c'est la raison qu'il formule, c'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui vous dit il ne faut pas voler, dans votre tête, ça va pas, vous n'êtes pas dans l'autonomie, dirait Kant, vous êtes dans l'hétéronomie, vous Absolument. N'obéissez pas à la raison, vous obéissez à Dieu, ce qui veut dire que si jamais Dieu Absolument. Vous enseignait le contraire, vous deviendriez immoral. C'est ce que dit Kant dans ses leçons sur la religion, donc de manière absolument claire. Il dit qu'utiliser Dieu comme facteur de morale, c'est le contraire absolu de la morale, puisque c'est l'hétéronomie d'accord. et qu'on agit par intérêt pour éviter la punition ou pour avoir une récompense. Donc un non-croyant oui. peut être parfaitement moral. morale. Évidemment, oui. Ce point est acquis définitivement. Morale et spiritualité n'ont rien à voir. Voilà. Et ça aussi, c'est grandiose chez Kant, c'est le fait qu'il distingue fondamentalement la question de la morale et la question de la religion ou de la spiritualité. Donc ça, c'est grandiose. Très fort. Et puis ça explique aussi pourquoi plein de religieux ont été très immoraux. Les intérêts de la raison, encore une fois, moi je dis que c'est génial parce qu'on se meut, et Kant ne cesse de le dire, dans un domaine qui n'est pas le domaine scientifique, donc il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas de preuves. Et là, c'est pour ça qu'on s'engueule. C'est ça qu'il veut dire. Ouais. On s'engueule sans arrêt entre matérialistes et spiritualistes, entre partisans du déterminisme, partisans de la liberté, entre croyants et non-croyants, précisément parce que les intérêts dominent le débat et il n'y a pas de, critères objectifs qui puissent séparer les polémistes. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Donc Spinoza, qui est cité nommément dans la critique de la faculté de juger, oui, comme un non-croyant qui envisage de se comporter bien, moralement, oui, c'est tout à fait possible. Il le dit clairement, Kant. Mais oui, il suggère que c'est tellement dur d'être moral tout le temps, si on veut persévérer dans un comportement moral, l'intérêt de la raison pratique, c'est quand même, à un moment donné, de créer l'idée d'un Dieu comme principe du bien. Donc là, c'est exactement ce que vous dites. L'être moral a intérêt à un moment à se faire soutenir, si je puis m'exprimer ainsi, par un Dieu. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Je pense que sur le plan moral, Dieu est totalement exclu par Kant. Sinon, encore une fois, on va agir moralement par espoir d'une récompense ou par peur de la punition. Donc c'est le contraire absolu de la morale. En quoi la raison pratique formule-t-elle l'idée de Dieu alors ? Non, mais c'est rapport à la mort, c'est la spiritualité. Si vous voulez, il faut bien comprendre une chose. La morale, en quelque sens que vous l'entendiez, en gros, c'est le respect d'autrui. Vous pouvez y ajouter la bienveillance et la gentillesse, mais en gros, c'est ça. Vous pouvez être gentil comme tout, vous pouvez respecter les autres admirablement, ça ne vous empêchera pas de crever. La question de la mort n'a rien à voir avec la morale. C'est une question spirituelle, c'est une question religieuse. Non, mais je citais juste le passage pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'accord. Oui, je crois que c'est le paragraphe 87 de la critique de la faculté jugée, où il évoque Spinoza, oui, ou l'être non-croyant. Oui. Qui peut tout à fait être moral, vous venez de le dire, bien s'il sûr veut demeurer fidèle, ça veut dire longtemps, quoi, à l'appel de sa destination morale inférieure, s'il ne veut pas affaiblir le respect, il doit, à un moment donné, écrit Kant, admettre l'existence d'un auteur moral du monde, c'est-à-dire de Dieu. Et ce qui est suggéré là, c'est qu'on a besoin d'espérer, quoi, qu'à un moment donné, le monde deviendra moral. Sinon, c'est vraiment dur d'être moral dans un monde. Non, c'est pas dur d'être moral, c'est dur de vivre. C'est pas la même chose. On peut vivre moralement. Voilà. Moi, je suis totalement athée et je me considère comme à peu près globalement moral, mais je suis totalement athée. Mais simplement, c'est vrai que l'espérance, c'est l'espérance chrétienne qui les révèle. C'est tout. C'est uniquement ça. Mais ne confondons surtout pas morale et spiritualité, c'est deux sphères totalement différentes. La spiritualité, elle touche d'abord et avant tout à la question de la mort, la question de l'amour, la question de la banalité de la vie quotidienne, la question de l'ennui, autant de questions qui ne sont absolument pas morales. Ce sont des grandes questions spirituelles. Mais dans toutes les grandes traditions, que vous lisiez le livre tibétain de la vie et de la mort, que vous lisez un texte religieux à proprement parler, ou un texte comme ceux de Kant ou d'autres, vous trouverez cette idée que, fondamentalement, la question de la vieillesse, les âges de la vie, la question de la mort, la question de la banalité de la vie quotidienne, la question de l'ennui, même la question de l'amour, ne sont pas des questions morales. Les grands romans d'amour ne sont pas des romans moraux. Mais il y a ce que vous avez vous-même qualifié d'un intérêt de la raison pratique, c'est-à-dire la raison morale, à créer, sans jamais pouvoir le démontrer, ça on est bien d'accord, de pouvoir créer l'idée d'un Dieu. Et ça, vous trouvez ça très fort. Et moi, c'est pas du tout ça que je trouve fort. Non, ce que je trouve fort, c'est l'idée. C'est pas du tout ça, parce que moi, encore une fois, je peux vous dire, j'aimerais bien être croyant, c'est vrai. D'accord, dans ce cas-là, ça revient à ce que vous dites exactement. Mais c'est pas ça qui est fort. C'est l'idée qu'à partir du moment où on se meut au-delà de l'expérience, donc on n'est plus dans le domaine scientifique, ce sont les intérêts qui prennent la main. C'est ça qui est génial. Et ça, c'est vrai, c'est pour ça qu'on s'engueule indéfiniment sur des questions qui sont extra-scientifiques. Tandis que sur 2 plus 2 égale 4, on ne va pas se battre. Voilà. En revanche, est-ce que tu es matérialiste ou est-ce que tu es spiritualiste ? Est-ce que tu crois à la liberté ou pas ? Est-ce que tu penses que les passions tristes, on va leur tordre le cou en disant qu'on est déterministe comme chez Spinoza, on va s'engueuler. Moi, je déteste Spinoza. Enfin, si, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais j'aime pas sa philosophie, voilà. Mais je ne peux pas démontrer que le libre arbitre existe. Mais simplement, l'intérêt moral est évident. Sans libre arbitre, il n'y a pas de moralité. Dominique Bourrel, dans cette querelle intéressante. Non, il ne faut simplement pas oublier que Mendelssohn et Kant, le 18e siècle, découvrent les religions non chrétiennes. Ça a coûté son poste d'ailleurs à Christian Wolff, qui a commencé à dire, vous savez, Confucius, c'est quand même, on lui a dit, pas de ça chez nous, partez. Hein, il a été récupéré après en 40 avec Frédéric II. Ce qui est bien, c'est que pour le romanesque avec Bourrel, et là, on a tapé. Et là, vous avez un argument formidable, ça s'appelle le fameux argument du Groenlandais. Ça faisait beaucoup rire aussi. Ça faisait aussi beaucoup rire. Philonenko, il parlait. Racontez-nous, on veut comprendre. Mais il faut dire deux mots, parce que vous retrouvez ça dans les souvenirs. Le chien du Groenlandais. Dans les souvenirs de Mallory, qui vient de mourir. Ah oui. Mallory, qui a passé sa vie avec au Groenland, l'anthropologue, et il était tout le temps confronté à ça en disant, mais ce Groenlandais, quand même, c'est quand même des gens tout à fait extraordinaires. La société est formidable. Et ces gens-là se comportent formidablement bien. Et nous, on est là. Et ce qui est amusant, c'est que c'est les mêmes types d'arguments qui arrivent, que ça soit chez Mendelssohn et chez Kant. Et c'est pas que cela. Mais Confucius et le Groenlandais, j'ai l'impression que c'est deux choses qui ont marqué, si vous voulez, avec ce qu'on appelait les preuves théologico-finalistes, etc. Oui. Quoi, hein. Alors, donc, juste pour finir, dans cette querelle, Pourquoi est-ce qu'ils se sont tellement engueulés, alors qu'en vérité, il y a beaucoup de choses en commun. Mais ils s'aiment en plus, ils s'aiment, ils se respectent, et ils s'aiment vraiment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le kantisme juif est une histoire extraordinaire. Oui, les meilleurs, on parlait de Cassirer, l'éditeur de Kant, tous les juifs qui se respectent font une thèse sur Kant. Sinon, c'est nul. Voilà. Vous en avez un qui en fait un sur Schopenhauer, un qui fait ça sur Sam. Mais tous les autres, c'est Kant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le centre, c'est Kant, ou Kant, comme vous dites. C'est-à-dire que voilà, tout s'articule, il met beaucoup de temps à intervenir, parce que c'est romanesque cette histoire. Il s'abstient, et finalement il est le centre autour duquel tout s'organise. Il faut dire qu'il est entouré de guignols aussi, tout à fait extraordinaire. Amman, quand vous lisez les lettres de ces gens, Klossowski l'appelait le mage du Nord. Alors quand les gens commençaient à parler, alors on comprend très bien que Kant et Mendelssohn, ils disent non, pas de ça chez nous, il faut quand même pas exagérer, parce qu'on n'est jamais très loin de la mystification. La Schwärmerei, c'est aussi le fanatisme. Ça se termine par le fanatique. Il y a un risque fanatique chez Jacobi. Vous voulez le dernier mot, je vous le donne, Luc Ferry. Non, juste un mot, mais dans le sens de ce que dit Dominique, on est évidemment sur les mêmes longueurs d'onde. On se connaît depuis 50 ans et on a le même parcours sur cette histoire-là. Mais le cours de Kant, donc son cours à l'université, il était peuplé comme Roland-Garros aux meilleures heures. Donc il y avait des élégantes, il y avait des marquis, il y avait des ducs, des barons, etc. Tout le monde venait. Et Kant a eu ce geste extraordinaire. C'est quand Jacobi est venu l'écouter dans son cours, il l'a embrassé devant tout le monde. Et ça veut dire quelque chose. C'était une forme de très grand respect. Il aurait fait la même chose avec Mendelssohn. Ouais. Et je suis sûr que si Mendelssohn avait vécu plus longtemps, il aurait été l'ancêtre de l'école de Marbourg. Il aurait été qu'ancien. Oh, c'est vraiment pas le moment. J'ai mis ses clés. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Surtout, pas de bruit, j'espère qu'il dort. Ces clés sont au bordel. Oh merde. Où t'étais? Invité par des potes à une te faire. On s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, c'est vrai. Je te connais par cœur, j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Je joue à la fille qui en a marre de te voir en état. Tout ça parce que tu préfères traîner avec tes lascars. Il est tard chérie, écoute le ton, tu fais trop de bruit. Ce ne sont pas des lascars, ce sont mes amis. Amis, et pourquoi m'appelle-t-il quand tu n'es pas là? Sans doute par respect et déférence envers toi. Les bâtards. Appel, tu ne le savais pas. Tes potes ne se gênent pas pour me narrer tes exploits. Aussitôt le dos tourné au téléphone, il me drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flag. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool guy, sinon je te dirai bye bye. C'est bon, tu peux prendre toutes tes affaires. Ah ouais, et tu crois que j'ai attendu pour le faire? Toi et ta bande de serpents, je vous souhaite bien du bon temps. Je suis parti à présent, ce sera l'heure, j'ai apprécié. Tu souris encore, même pas l'once d'un remords. Change d'attitude, ou je sculpte un nouveau décor. Allez, des claques et tu te tailles. Ta mère avait raison, lève-moi donc et ma pagaille, tiens parlant d'elle. Ha, as-tu trouvé sa muselière? Qu'a-t-elle à voir dans cette affaire? Ne touche pas à ma mère. Qui le voudrait? C'est vrai, c'est un vrai supplice de la voir, d'autant plus qu'elle s'invite ici à dîner tous les soirs. J'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris envers ma famille, spécialement ceux qui t'apprécient. Elle m'apprécie? Moi? Ou mon porte-monnaie? Peut-être les deux, qui sait? Arrête, s'il te plaît. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, guy, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Est-ce vraiment une heure pour rentrer chez soi? Tu t'inquiètes du bruit, occupe-toi de ce qui se passe chez toi. Chez moi, ça allait jusqu'à une certaine prise de tête. Ce qui me contrariait, c'est d'avoir trouvé la femme parfaite. Pas d'amis, pas de sortie, pas de cri au lit, pas d'envie. Et accessoirement, pas de sexe aussi. Le bonhomme, mais je rajouterai sur la notice. Il faudrait pouvoir dégonfler après le service. C'est un combat. Ok, excuse-moi, mais je t'en prie, prends-moi donc dans tes bras. C'est trop facile. Excuse-moi, je n'ai pas fini. Arrêtons, on va y passer le reste de la nuit. Je me suis lassé, je suis cassé, j'en ai plus cassé, l'ardoise est chargée. Fils, ça, tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Allez, on vous a mis une querelle de rappeurs. Vous écoutez Bye Bye, une chanson en duo des rappeurs Ménélik et Iman D, sortie en 1997. Je ne sais pas qui sont les lascars dans la querelle du panthéisme, mais en tout cas, bon, voilà, il y en a peut-être. Merci beaucoup, beaucoup, Dominique Bourrel et Luc Ferry. Vous avez fait vivre cette querelle du spinozisme ou du panthéisme avec Kant au milieu. J'ai trouvé ça très, très, même exaltant. Et je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il des interdits? Lorsque nous assistons à un crime extrêmement grave ou même simplement à une violence qui peut nous paraître minime mais qui nous semble absolument inadmissible, par exemple une violence verbale, une incivilité comme on dit, une insulte qui pourrait paraître minimale mais qui nous semble déjà une injure absolue, nous nous exclamons parfois, nous disons aux autres, il y a quand même des limites. Il y a des limites, nous posons un peu cet absolu comme s'il y avait dans l'absolu des choses justement des limites aux actes que les humains peuvent se faire les uns aux autres, comme si dans ce « il y avait le postulat d'un être de la limite, d'un fondement absolu de l'interdit entre les êtres humains. Pourtant, c'est peut-être dans cette exclamation elle-même, dans cette revendication de l'interdit, qu'est l'origine des interdits. C'est peut-être non pas la référence à une loi suprême ou à une loi positive, qui certes, bien sûr, va venir dire l'interdit, et dans l'interdit, il y a le dire humain. Ce n'est pas une loi existante, c'est plutôt la revendication de la reconnaissance, la surprise devant certains actes qui nous amène à poser des limites. Qu'est-ce que la limite entre les êtres humains? C'est bien entendu ce qui vient les détruire mutuellement, ce qui, de l'intérieur même de la relation entre des êtres humains, vient détruire l'un à cause de l'autre. Ce que, pour ma part, j'appelle depuis longtemps une violation. C'est un acte qui, de l'intérieur de la vie humaine, fait que les uns vont détruire les autres et qui suscite en nous précisément le sentiment d'une limite absolue. Le sentiment que Jean Haber appelait celui de l'injustifiable. Il y a des limites, c'est plus une exclamation d'un désir et d'une reconnaissance d'une transgression, un désir suscité par l'expérience du négatif, que le postulat d'une vérité existante, d'une loi absolue, un peu comme lorsque Antigone dit « Il y a des lois par-dessus les lois des hommes, il y a les lois des dieux, et il y a l'interdit de laisser le cadavre du frère pourrir à l'extérieur de la cité. » Il y a des limites entre les humains, il y a des interdits à instituer, mais ils ne sont pas pour autant donnés, ils apparaissent dans l'expérience par ceux qui reconnaissent justement les actes qui viennent rendre la vie humaine impossible. Il faut donc instituer des interdits, mais il faut parfois contester aussi les interdits. Il est parfois interdit d'interdire, nous disaient les slogans de mai 68. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interdiction est une institution humaine qui, par le langage, pose des limites aux actes des humains les uns envers les autres. Alors, ils peuvent être contestés, mais ils ne peuvent pas être contestés dans leurs principes, car il y a forcément l'expérience du négatif entre les êtres humains, et il y a donc une nécessité de l'interdiction, même s'il y a aussi une nécessité de discuter des limites précisément de l'interdit, des limites de ce qui est interdit entre les humains. On connaît la différence, un peu humoristique mais très profonde, entre une tyrannie et une démocratie. Dans la démocratie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Dans une dictature, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. L'interdit minimal, négatif, permet la liberté. En revanche, quand tout est interdit, alors évidemment, on ne peut plus vivre. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Sam Bakiast avec à la technique Elodie Hessmann. Elle a été préparée par Carla Michel, Anna Felpin, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.